Chapitre 7e. Dès là que l'envoi de Geneviève à Cordes était une question de dignité, Madame de Mussidan était tranquille, sa fille ne partirait pas. Elle rentra souriante dans la pièce où Geneviève l'attendait, tremblante et anxieuse, car sans que sa mère lui ait rien dit, elle avait compris ce qui se passait dans la chambre de son père. « Qu'a dit papa ?» demanda l'enfant. « Il n'a rien dit, mais il y a bon espoir. » Elle se jeta sur sa mère, et passionnément elle l'embrassa. « Oh, maman, maman !» Puis tout de suite, pensant à son père, « Je vais l'embrasser, je suis si heureuse. » Mais sa mère la retint. Depuis 10 ans qu'elle avait étudié son mari, elle savait que ce n'était pas ainsi qu'il fallait s'y prendre avec lui, de cette façon simple et spontanée. Que Geneviève se montrât lui dans son ivresse de joie, et tout de suite il s'inquiéterait de cette joie. Pourquoi était-elle si heureuse? De là à chercher s'il n'y avait pas eu d'accord entre la fille et la mère, il n'y avait qu'un pas. Il ne pouvait pas supporter ces sortes d'accords. C'était avec lui qu'on devait s'entendre, non avec d'autres. C'était à lui qu'on devait s'adresser, à lui seul. Et puis ce qu'il ne pouvait pas supporter non plus, c'était que ceux qui lui appartenaient fussent heureux d'une joie qu'il ne leur aurait pas donnée lui-même. C'était par lui qu'on devait être affligé, par lui qu'on devait se réjouir. « Il ne faut pas montrer cette joie à ton père, » dit-elle. Geneviève regarda sa mère avec des yeux étonnés, mais sans oser l'interroger cependant. « Ah ? » dit-elle tristement, « ce n'est pas le moment. » Cela ne lui ferait donc pas plaisir de voir combien je suis heureuse de ne pas aller à Cordes. C'était là une terrible question d'enfant à laquelle il fallait répondre sans hésiter. « Écoute-moi bien et tâche de me comprendre. C'est papa que je ne comprends pas quelquefois, mais toi, je te comprends toujours. Eh bien, ma mignonne, comprends que nous avons de grandes obligations envers ta tante de Cordes. Quelles obligations? Nous ne sommes pas riches, et c'est elle qui nous permet de vivre. C'est toi qui nous fais vivre, c'est avec l'argent que tu gagnes que nous vivons, sans cela tu ne travaillerais pas tant. Ce n'est rien la vie de la maison. En dehors de cela, il y a d'autres dépenses, celles de ton père, et bien d'autres encore. C'est à ces dépenses-là que Mademoiselle de Pilorin subit bien. Quelles dépenses a-t-il, papa, puisqu'il mange ici? Tu comprendras cela plus tard. Pour le moment, tu n'as qu'une chose à comprendre, c'est que nous sommes les obligés de la tante. Et pour lui refuser ce qu'elle désire, il faut que ton père fasse un grand effort de volonté. Il l'appelle toujours vieille coquine. » C'était là aussi une terrible réflexion et qui montrait quel travail se faisait dans l'esprit de l'enfant. Quand ton père est fâché, il se laisse entraîner par la colère. Il lit alors tout ce qui lui passe par l'esprit. Mais cela ne l'empêche pas d'aimer ceux dont il parle. Malgré ses fâcheries contre sa tante, il l'aime cependant. Cela le peine donc de lui refuser ce qu'elle demande. Il ne le fait que par tendresse pour toi. C'est pour cela que ce n'est pas le moment de lui montrer ta joie. Quand il t'annoncera que tu ne vas pas à Cordes, tu pourras le remercier. Alors il sera heureux de la joie qu'il t'aura donnée. C'est toi qui me la donnes. C'est à toi que j'ai demandé de ne pas aller à Cordes. Et c'est ton père qui décidera que tu n'y vas pas. C'est donc lui qu'il faut remercier. Tu lui donneras la satisfaction de t'avoir fait plaisir. Tant qu'il ne te parlera pas, tu ne dois rien dire, ni rien laisser paraître. Il ne tarda pas à parler. Tu serais content de ne pas aller à Cordes, dit-il un matin à sa fille. Oh, papa, qu'est-ce que tu me dirais? Je vous embrasserai de tout mon cœur. Eh bien, embrasse-moi, tu n'iras pas. Puis, pendant qu'elle l'embrassait, il se tourna vers sa femme. Voici la lettre que j'ai écrite à Mademoiselle de Puylaurens, et il lut. J'ai l'honneur de présenter mes hommages à Mademoiselle de Puylaurens et de lui faire savoir qu'un père n'accepte pas une proposition comme la sienne. J'aurais pu confier ma fille à une parente chez laquelle j'aurais eu la certitude qu'elle trouverait de l'affection et de la tendresse, et où elle pourrait entendre parler de son père. Mais puisque ce père paraît ne pas exister pour cette parente, il garde sa fille. Il avait détaché chaque mot de manière à en faire sentir toute l'importance. Quand il fut arrivé au bout de sa lecture, il prit un temps. « Eh bien, comment trouvez-vous cela ?» C'était mal, très mal qu'elle trouvait cela, ou tout au moins, il lui semblait que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait répondre. Mais comment dire cela? D'ailleurs, ne se trompait-elle pas? C'était lui sans doute qui avait raison. Un homme comme lui, un homme de sa naissance et de son éducation, qui avait eu le monde, où il avait occupé un haut rang, savait mieux qu'une pauvre femme comme elle ce qu'il convenait d'écrire dans une pareille circonstance. N'était-ce pas une maladresse de sa part de vouloir le juger? Et cependant, elle sentait que si elle avait écrit cette lettre, elle n'aurait point parlé ainsi. Mais comment risquer une critique? D'ailleurs, si la forme n'était pas ce qu'elle aurait voulu, le fond, au contraire, était ce qu'elle avait demandé. On refusait Geneviève à Mademoiselle de Puylaurens. C'était là l'essentiel. Qu'importait le reste? Comme elle n'avait pas répondu, il insista. Trouvez-vous donc que je n'ai pas été assez raide? Aussi. C'est un plaisir de traiter les gens comme ils le méritent, surtout quand on n'a pas besoin d'eux. Mais il se trompait, en s'imaginant qu'il n'avait plus besoin de Mademoiselle de Puylaurens. La réponse de celle-ci le lui montra. Ce fut en son absence qu'arriva cette réponse que le concierge remit à Madame de Mussidan. Quand celle-ci reconnut la longue écriture de Mademoiselle de Puylaurens et vit le timbre de corde, elle eut un mauvais pressentiment. Si Mademoiselle de Puylaurens écrivait, c'était assurément pour insister. Quels moyens employait-elle? Quelles propositions faisait-elle? Il allait donc falloir soutenir une nouvelle lutte pour retenir Geneviève. Comme elle eût voulu savoir ce que disait cette lettre. Mais si son mari décachetait les lettres qu'elle recevait, elle ne décachetait pas les lettres de son mari, et même elle ne les lisait pas. Il fallait attendre et préparer sa défense sans connaître le terrain sur lequel la lutte allait être portée. La lettre avait été mise en belle place. Quand M. de Mussidan rentra, elle lui sauta aux yeux. « Ah! Une lettre de corde » dit-il. « Est-ce que la vieille coquine s'excuserait ?» Et prenant les ciseaux, il coupa un côté de l'enveloppe. Si c'était des excuses, comme il le supposait, elles étaient courtes. La lettre ne contenait que quelques lignes. Il lut haut. Puisque M. de Mussidan peut se charger de l'éducation de sa fille et la continuer comme il convient, c'est qu'il a certainement des ressources que Mademoiselle de Puylaurens ne connaissait pas quand elle a consenti une pension qu'elle croyait indispensable. Cette pension, devenant désormais inutile, sera supprimée à partir du mois prochain. Madame de Mussidan écoutait tout en continuant de travailler. Mais si son mari l'avait regardée, il aurait vu qu'elle tirait son aiguille d'une main tremblante. Pour Geneviève, sans se douter que c'était son sort qui allait se décider, elle l'écoutait, ne comprenant pas ce que son père lisait. Jamais Madame de Mussidan ne se permettait de parler la première, et avant d'émettre une opinion, elle attendait que son mari la lui demandait. Encore n'osait-elle pas toujours dire ce qu'elle pensait, mais en ce moment il ne s'agissait pas de se montrer femme respectueuse, il fallait être mère intelligente. Il fallait prévenir l'impression que cette lecture allait produire dans l'esprit de son mari et autant que possible diriger la résolution qu'elle allait inspirer. « Quelle infamie » s'écria-t-elle. « Dites que c'est une basse vengeance. Comme Mademoiselle de Puylaurens vous connaît peu. Comment peut-elle s'imaginer que vous allez céder à cette menace un homme comme vous? C'est une misérable coquine. Croire que vous allez lui vendre notre fille, car ce serait la vendre que de la lui confier en échange de cette pension qu'elle vous rendrait. Vous voyez quelle femme c'est. Avouez que vous me jugez quelquefois injuste envers elle. Je ne la connaissais pas. Et vous aimiez mieux m'accuser d'injustice que de croire à ce que je vous disais. C'était si fort. Cela n'est-il pas plus fort que tout? Maintenant, qu'allez-vous faire? Il croisa ses bras sur sa large poitrine et relevant la tête en secouant sa chevelure grise. Comment, ce que je vais faire, vous me le demandez? Vous imaginez-vous que je suis un homme qui cède à la menace? Croyez-vous que je me détermine par des raisons d'intérêt personnel? Suis-je un homme d'argent? C'est vous, vous, qui me demandez ce que je vais faire, moi, un Mussidan. » Elle n'avait plus rien à dire. Il avait pris la voix qu'elle voulait. Cependant, elle ajouta encore un mot. « Si vous n'écriviez pas tout de suite, vous pourriez réfléchir. »« Réfléchir à quoi? Pourquoi? Première sur ma résolution, est-ce que vous voulez dire... »« Vous n'êtes qu'une pauvre femme. »